Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Muntam ne chis bataris, ne tame maneke jo suche. Muntam ne chis bataris, ne tame maneke jo suche. La clé. A chavichi. A chavichi. Le verre. A glasci. A glasci. La montre. A grialci. A grialci. Les lunettes. A chasmachi. A chasmachi. Le téléphone. A fonchi. A fonchi. Le peigne. A caschici. A caschici. Les ciseaux. A caterci. A caterci. Le rasoir. A ostroci. A ostroci. L'enveloppe. A covarci. A covarci. Le crayon. A colomci. A colomci.